rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Lino. Et c'est reparti pour une nouvelle soirée avec Monsieur Lino, comment va? Yes. Bienvenue dans ton Planète Rap. Oui, ça va, tranquille. C'est la deuxième semaine avec l'album numéro 1 des ventes, hein, Requiem, tout se passe bien. Ouais, ce matin, réveil, tu étais voir si tu étais toujours numéro 1? Non, je vais pas voir, mais on m'appelle. On m'appelle le matin à 7h25. À 7h25, tous les matins, on t'appelle, on dit. Ça s'est bien passé hier soir. Hein. Ouais. Et bah que ça continue, en tout cas, on espère. C'est un bel album, celui de Lino. Il paraît aussi que rupture de stock, mais ça a été réapprovisionné. Normalement, ça a été fait. Donc, envoyez. N'hésitez pas à nous envoyer les photos, puisque Calbo, je vérifie. Calbo, qu'on salue, ça va bien, Calbo. Ouais, très bien. Bienvenue aussi. Yes. Que va-t-il se passer ce soir, messieurs, dans l'émission? Ben là, des choses. Cracheurs de feu, les lancers de nains. Ouais, on aura des surprises. On va en parler au fur et à mesure. D'accord, et puis on va toujours continuer à découvrir cet album qui est dans les bacs. On va essayer de découvrir. C'est important, faut mettre essayer. Est-ce qu'il y aura du live ce soir? Du live, je sais pas. On a eu du live, je sais pas, mais on va peut-être découvrir des morceaux. On a eu un très beau titre hier. Hein. Ouais, magnifique. Avec Doku. Yes. C'est la première fois d'ailleurs que vous faisiez en live tous les deux. Ouais, faute de français, c'est la première fois. Ouais. Ça s'est pas senti. Ouais. Professionnalisme. Tu connais. À son summum. Ouais, c'est un des morceaux que j'aime bien aussi dans l'album et je pense qu'on va l'exploiter ultérieurement. Exactement. Puisque là, il y a aussi le morceau avec Manon qu'on écoutera dans un instant. Et juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir avec Monsieur Lino. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Comment se porte le numéro 1 des ventes? Non, ça va. Non, c'est bien. C'est bien ce qui se passe. C'est sympa. Il y a du mouvement et c'est bien. On parle de rupture même de stock. Enfin des... Oui, ça rupture les stocks, tout ça, c'est bien. Ça fait plaisir, c'est l'aboutissement du travail. On a bossé dessus déjà depuis un bon bout de temps. Ça faisait un moment qu'on l'attendait, cet album. 3-4 semaines, j'ai bossé dessus. Donc c'était assez rapide. Mais j'ai pas l'impression que maître Chamberlain soit d'accord. Chamberlain. 7 milliards sous le ciel, à vivre ou à faire semblant. On tombe, on se lève, on danse, on vibre en attendant. Tu es au courant, il y a quelqu'un qui veut te parler. Ah ça, je savais pas. Ah tu sais pas? Même pas. Elle est pas au courant? Non. Ah bah on va maintenir le surprise. On va arrêter vos trucs bizarres. Vous. Surprise. C'est qui? C'est un mec. C'est Jean-Pierre. C'est un mec à qui je dois de l'oseille. Même sans taser, y'a de l'ambiance électrique. Écraseur de crâne de grec, fric. Levez ton crâne, on réplique, on les canne, lève le majeur. Enlève, oublie les rageurs. Faut sortir le gros con. Chargeur plein dans les locaux, on naseur. On autre ultra de la laser. Et le filtre est maroco. La 90 Air Max, la joue Kaiser. Sauge. Lino, alors attention. Vas-y, j'écoute, hein. Allo. Ah bah. Oh là là. Est-ce que c'est un mec à qui tu dois de l'argent? Oh là là. Oh le frère. Moi je te suis de loin, Volkin, tout ça, tu vois, quand on suit les titres, et puis franchement, c'est du très très très lourd, frère. Aujourd'hui, je pense qu'il fallait que Lino y revienne, il fallait qu'Arsenic soit au rendez-vous, le sixième chaudron depuis l'époque, c'est des mecs qui sont là depuis longtemps. La raison manque à l'appel, on sait même plus qui a tort. La religion fait diversion pendant qu'on chute à l'appel. Saute le pas, les drames, faudra devancer. Éteindre le feu avant que ça crame et corriger les fautes de français. Yeah. On s'explique les choses, mais on s'écoute pas. On parle le même langage, mais on se comprend pas. On avance dans la même direction, mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble, mais on se connaît pas. On s'explique les choses, mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Lino toute la semaine entre 20h et 21h. Lino avec nous. Tiens, on saluera dans un instant un garçon qui est à tes côtés, Lino, qui vient d'arriver, qui s'appelle Jean, on peut le saluer maintenant. Yes, qui s'appelle Jean-Michel Correa, qui vient de réaliser un film qui est sur les écrans depuis aujourd'hui. Ouais, un film qui s'appelle Sous X. Bah, bienvenue Jean-Michel. Merci. Je suppose que tu connais Lino. Bien sûr. Lino, je sais pas si tu connais un peu le parcours de ce garçon. Mais moi, je connaissais pas jusqu'à récemment, mais j'ai entendu parler de son film, tout ça, et j'ai vu qu'il faisait ça un peu

qu'il a amorcé. Le fils est insomniaque, y'a des traces de piqûres sur les bras de Morphée. Le game est truqué, ils veulent que je mette un bémol. Tous hypnotisés par l'écran, éduqués par un démon. Des questions connes sans réponse, savent plus quel dieu invoquer. Surtout ne pas se poser les bonnes, comme à quoi ça sert de voter. Encore à moins qu'ils fassent un putain de froid polaire. En enfer, je sais que c'est les fous qui ont raison. Je fais confiance qu'aux hommes en colère. Les saisons crèvent, on chie pas de vif. Alors on rêve une fois dans le sas, braquer un peu de grif. Je lis l'évangile selon Goldman et Sachs. Dis-moi à quoi tu rêves, dis à quoi tu penses. Ne regarde plus vers hier, l'horizon est immense. Dis-moi à quoi tu rêves, il faut que tu avances. Moi j'entendrai tes prières, j'écouterai tes silences. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Lino qui est là et son album. Yes. L'album de rêve et de cendre, c'est l'extrait de Requiem à l'instant qu'on écoutait avec Manon. Les images arrivent bientôt, Lino. Le clip est en route, il est dans le four, ça arrive de rêve et de cendre. Ouais, on est en train de bosser ça, on est en train de travailler ça dans les bas-fonds. Donc activement. Ouais, en fait on a peut-être deux clips en gestation là, donc on est en train de travailler ça. C'est en train de se préparer. Ça va arriver, assez rapidement. Et si je te parle de ça, parce que je sais que tu es un fasciné d'images. Et je vais faire un petit bisou à ma femme Amina, parce qu'elle adore le titre. Et bon, on lui fait un bisou. Donc, allez, elle écoute. Non, je te disais, je te parlais d'images, parce que je sais que tu es un fan de ciné, toi. C'est vrai que tu as été un vrai cinéphile, Lino. Hein. Quelqu'un qui s'intéresse depuis longtemps au cinéma. Ouais. Peut-être même un jour écrire un scénario. Non, mais écrire et réaliser. Et je parlais au frère tout à l'heure. Jean-Michel Correa qui est là, qui est le réalisateur un peu du film. A réalisé. Et j'ai dit une petite connerie tout à l'heure quand j'ai dit c'était un dé, tout ça. Bon, il m'a expliqué un peu tout ça. C'est un peu moins un dé. Ouais, que prévu. Un peu moins dans l'esprit, non. Mais voilà, j'ai compris le truc. Et bon, il m'a expliqué des trucs, je crois que. Je vais pas le lâcher. Son film s'appelle Sous X. Il est sorti aujourd'hui. C'est ton premier film, hein, Jean-Michel. Ouais, premier long métrage. Ouais. Pourtant, t'as joué aussi, tu me le disais, dans différents longs métrages, hein, de Rouillé d'Os. À la base, je suis venu. Samba. Ouais, à la base, je suis venu au cinéma par l'écriture, en écrivant des scénars et après. Enfin, bon, faut dire que toi, t'as quand même eu une vie avant qui était aussi un peu mouvementée. Tout à fait. T'as eu une première partie de vie un peu. Un peu street, ouais. Une jeunesse un peu agitée. Avec tout ce qui va avec. Voilà, après un début de maturité derrière les barreaux pendant quelques années. Après, voilà, la vie qui continue. Heureusement, des potes autour, tout ça. Un petit passage de transition à l'étranger. Et puis après, voilà, la chance de justement, au regard de ce que j'avais pu vivre avant. Voilà, quelqu'un m'a dit que peut-être que je pourrais essayer d'écrire des scénarios, que ça pourrait être intéressant. D'où l'histoire de Sous X. Voilà, notamment, après j'ai collaboré à d'autres petites choses avant. Mais Sous X, c'est vrai que c'était l'histoire qui était en moi depuis toujours, que bon, des fois je déclinais un peu. Prends bien le micro quand t'entends bien Jean-Michel. D'une manière différente. En plus t'as une voix, mec arrive, il met la pression sur la voix. Tu vois. Et donc voilà, oui, enfin tout ça, voilà, des petites interventions dans le milieu du cinéma. Et puis aujourd'hui, voilà, j'ai réussi, grâce à Dieu, à faire mon premier long. Voilà. Tu nous fais le pitch de Sous X? Ben, c'est une petite chronique. C'est un mec, effectivement, qu'on comprend juste alors qu'il est en train de franchir la porte de la prison où il a passé quelques années. Son père l'accueille. Il revient dans son quartier et il retrouve ce qu'il appelait, lui, les petits. C'est-à-dire la génération qui est en dessous de lui. Mmh. Parce que ceux de sa génération, soit ils sont encore au jetard ou ils sont plus là. Ils ont disparu, malheureusement. Là. Et donc, voilà. Alors, avec eux, il croit pouvoir se reconvertir dans le trafic. C'est-à-dire, lui, il était tombé pour des braquages. Il se dit, bon, ben, le trafic de cannabis, hein, je précise, voilà, lui semble être une manière de vivre tranquillement, confortablement, sans prendre trop de risques. Et sauf que voilà, c'est un mec qui a un code de l'honneur, qui a rencontré, qui a créé vraiment des amitiés fortes en prison. Et puis à un moment, voilà, il y a un de ses amis qu'il avait connu en prison et qui était sorti aussi un peu avant lui, et voilà, qui est victime de tir, hein, voilà, qui se fait tirer dessus, qui meurt, et voilà, et Jean-Jacques, donc le personnage du film, voilà, décide de le venger. Très bien, donc la suite, vous la découvrirez. Tu joues dedans aussi, hein, dans le film. Cinéma, ouais. Tu veux citer 2-3 acteurs qui sont autour de toi? Bien sûr, il y a Karim Leclou qui est là ce soir, qui est avec moi. Salut Karim. Il y a Moupondo, il y a Hakim Hamza qui est derrière. Et puis sur ce projet-là, c'est vrai que voilà, on a aussi essayé de bon, il n'y a pas beaucoup de musique dans le film. On n'a pas mis de musique additionnelle. On a fait jouer la musique. Non, tu n'as pas mis de Lino, tu n'as pas mis d'Arsenic. Ouais, peut-être pour le prochain. Ouais, franchement, c'était un. Déjà on avait un petit budget, on n'avait pas les moyens. Mais j'aime beaucoup, par exemple, Une affaire de famille, tu vois. Ah bah. Ça serait prêté un peu à l'esprit du film, et ouais, comment on l'a fait et ce qu'on raconte. Ouais. Mais bon. Bah, le prochain. Donc, du coup, on s'est dit, voilà, j'ai la chance aussi qu'il y ait quelques rappeurs, vers chez moi, et je les ai intéressés au projet, et voilà, on a fait un ou deux morceaux dedans, notamment sous le générique, voilà, c'est de l'inédit. Cut Killer nous a arrangé tout ça, nous a supervisé tout ça. Et ben voilà. Donc, et bah, allez voir Sous-X, de la musique, qui est sorti aujourd'hui. Tiens, on va écouter la bande-annonce du film qui est sorti aujourd'hui, Sous-X, un film Skyrock aussi. T'es resté combien de temps là-bas? Presque 9 ans. Du champagne! On a trop manqué cette cité. Tu sais que j'ai même écrit des poèmes. Mur pour mur, je regrette ceux de ma cité. Liberté! Dis-moi, c'est quoi tes projets là? Professionnellement, je suis en pleine reconversion. On a préparé ça avec les autres, tranquille. Vous avez demandé à consulter votre dossier? Vous êtes né le 2 avril 1967. Non reconnu par votre mère, de père non dénommé. Franchement, tu m'as trop déçu. La loi au regard du secret imposé nous interdit de fournir la moindre indication. Tu sais que si je me lève, là, je te balaye et je le prends, ton dossier, là. Là, on est sur une tirelire. On a une putain d'équipe. Dès que c'est prêt, je te dis. Franchement, là, je vais la faire un peu en souplesse. Tu veux que notre cité, elle soit pleine de tox? C'est nos familles qui vivent là. Hey, je m'en bats les couilles, je suis pas assistant social. Le terrain, c'est nous qui l'avons créé. Je fais ce que je veux, ou je veux encore plus dans la cité. Non, poteau, on va pas te mettre là-dedans. Dedans comme dehors. Pour toi, pour Thierry, je le fais. Caché si gentiment, le principe est de déclarer la guerre que c'est sentiment. Dans de la colère, avec tous les bons sentiments. Un jour, Inch'Allah, ça va bien. Je vais adopter un petit blond et je vais l'appeler Mamadou. Sous-X, qui est sorti aujourd'hui avec Jean-Michel qui est là. Yes. Merci Lino d'avoir aussi accepté que Jean-Michel soit là pour présenter, parler de ce film qui est important à les défendre. En effet, tu disais. C'est important, il a fait son film, il écrit, tout ça, c'est important. Moi-même, c'est un parcours que j'ai aussi envie de faire, donc je suis admiratif de ce qu'il fait. On a discuté un peu. Et toi, c'est... t'es vraiment là-dessus, t'es vraiment sur l'image. Ouais, vraiment j'écris aussi, donc j'aimerais bien. Voilà, parce que lui, il est autodidacte aussi, tu vois, il fait son truc. Tu vois, il a pas fait les écoles et tout ça, donc moi, c'est pareil. Donc j'aimerais bien arriver dans ce schéma-là aussi. C'est un truc d'ailleurs qui est complexe quand t'arrives dans le ciné, d'apprendre toute cette partie technique. Je parle de voilà choisir le celui qui va te mettre en image de la cité dans laquelle tu tournes. Enfin tout ça, toute cette partie technique qu'on maîtrise peut-être pas forcément quand on a écrit un scénario. Ouais, bien sûr. Maintenant c'est vrai que j'avais quand même, ça fait quelques temps que j'évolue dans le milieu du cinéma. Donc t'as bien regardé, j'ai bien observé. Bien observé. Là, tout à fait. Après j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Audiard. Tu vois, j'ai travaillé avec lui sur Un Prophète. Et c'est vrai que depuis, voilà, j'ai retravaillé avec lui sur ses autres films. Et voilà, il m'a à la fois aidé à avoir les armes effectivement artistiques pour faire les trucs, et il m'a donné aussi beaucoup de légitimité. Parce qu'il faut pas se cacher, c'est vrai que d'où je viens, c'est quasiment impossible d'émerger. Donc voilà, c'est effectivement une volonté, voilà, un peu de travail. Ça fait longtemps que j'écrivais. Et après, il faut avoir la bonne rencontre, il faut avoir. Et bah t'as aussi la preuve qu'il faut aussi, voilà, qu'il faut aussi se bouger et essayer de faire les choses par soi-même. Et, bah, et quoi qu'il arrive, ça c'est la base. C'est clair que si tu fais la base, rien, les gens viendront jamais te voir. Ouais, c'est ça. Maintenant, en faisant des choses, bah des fois il y a des gens qui ont beaucoup de talent, qui font beaucoup de choses, qui s'agitent et tout pour des bonnes raisons, mais bah des fois ça passe pas, des fois voilà, il y en a d'autres qui ont plus de chance. Mais je crois quand même que d'une manière générale, effectivement, quand tu bosses, quand tu veux vraiment quelque chose, mais ça peut arriver. Il y a Calbo qui a bossé sur le cinéma aussi. Quel beau. Il a pris un mawashigiri par Dida. Ah mais c'est vrai qu'il y avait le... Bien sûr. Vous avez pas vu la scène dans avec Dida, dans le film de Dida, bien sûr. Ouais, il a bossé sur les cascades aussi. Magnifique. Bon, j'ai dû un peu retoucher le scénario, t'as vu. Parce que j'étais censé prendre une patate et me coucher. J'ai dit, ah non, c'est pas ça. Changez-moi le scénario. Je veux bien prendre la patate, mais après je me relève. T'as vu ce film, Jean-Michel, sur l'histoire de Dida, le boxeur, boxeur taille? J'avoue, non, pas vraiment. C'est Choc D. Choc D, le film. Ouais, big up à Dida aussi. Ouais. C'est un gars de chez nous. Ouais, un gars du 9-5, quoi, de la maison. Bon, et toi, pour finir là-dessus, Lino, sur le ciné, concrètement, t'en es où là? Juste écriture, t'as commencé à démarcher un petit peu. J'ai écrit. Non. J'ai écrit parce que moi, j'ai vraiment de l'amour pour le truc. Mais en vrai, ça veut dire que si je lance un truc, faut vraiment que je sois sûr que ça soit ce que j'ai envie de faire et dans le délire que tu vois. Mais t'es plus pareil sur du sociétal, je dirais, ou du moins un drame sociétal. Pas spécialement. Je peux tout faire. Ou aller sur d'autres kung-fu, comédie romantique. Bon, tout. Faut tout faire. C'est quoi, toi, Lino, par exemple, ton top 3 films, les trucs, voilà. C'est difficile, ça, parce qu'à chaque fois, on dit top 3, mais bon, allez, ok. En réalité, t'as un top 100, en fait. Allez, sans dire les premiers films que t'as en tête, voilà, ceux vraiment que tu veux passer des heures dessus. Après, si je dis les affranchis, ça fait cliché. Hobbit. Parce que le Hobbit, putain, ça, c'est mon truc, ça. Ah, le Hobbit. Seigneur des Anneaux. Hobbit 6, Hobbit 7, Hobbit 8. Ah, ça, c'est mon truc, ça. J'ai regardé justement le retour du roi. Non. Combien là, Hobbit? Quel numéro déjà? 13. 6 là? Non, c'est 3, le, là, 3. C'est le 3, c'est le 3. C'est le 6ème, non? C'est le 3, c'est là. C'est le 3, t'es trop loin. C'est le dernier. Ah, 6 avec le Seigneur des Anneaux, me dit-on dans mon oreillette. Oui, il y en a 6. Ouais, il y en a 6. C'est des trilogies. Voilà, c'est des trilogies. Mais voilà, non, il y a beaucoup de films. Après, ouais, cliché, si tu veux dire. Mais après, j'aime bien plein de choses, tu vois. Ce qui est bon, même Jean-Pierre Jeunet, je veux dire, Amélie Poulain, j'adore. C'est vrai? J'adore ce film. Là, je sors du cliché. Ah non, mais c'est bien. Tu vois, si je te dis casino, machin, je suis dans le cliché. T'es dans le cliché. Là, Amélie Poulain. Amélie Poulain. Ouais. Jean-Michel, ça te parle aussi, Amélie? Je suis un gars fleuri. Amélie Poulain? Non, mais. J'adore ce film. Ouais, non, mais sérieux, c'est vrai, je trouve que dans le c'est cinéma, bien fait. C'est bien d'être éclectique, quoi. Il faut avoir plusieurs influences et... Bon, en tout cas, allez voir Sous X. Dans un instant, on vous filera aussi la tablette Samsung Galaxy Tab 4 qui va avec. C'est pour tous les freestylers par téléphone. Ah, c'est pas mal. Tu peux rester avec nous parce qu'on va faire un petit quiz. Alors, hier, il nous a défié, Lino. Qui était sur quoi? C'est un quiz sur les dessins animés plutôt tournés années 80, non? Il est bon. Années 80-90. Je sais pas si ça te parle, toi, Jean-Michel, les dessins animés années 80. Pas forcément. On a un quiz qui est dans le four pour toi, là, qui est prêt. On fait quoi? On entend la musique? Ah oui, t'entends la musique. Et tu dis quel est le dessin animé. Ça, c'est dans un instant, juste avant, on met peut-être un morceau de l'album, Lino, qu'est-ce qu'on met? Ah putain, il est bon. Ah, il est bon. Bon, après la pub. Allez, réfléchis, après la pub, on revient, bougez pas. On vous attend au freestyle aussi. Et on vous rappelle que Sous X est sur les grands écrans de France depuis aujourd'hui. Ouais, merci de soutenir, hein, c'est dur. La conjoncture, là, elle est dure. Comme toi, Lino a lui aussi choisi Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Lino, notre invité, tous les soirs entre 20h et 21h, le Planète Rap avec l'album Requiem, album numéro 1 des ventes, Lino. Yes. Et un invité qui vient d'arriver après Jean-Michel qui est là, après le film Sous X. Ah, il est serein. Alors, il réfléchit, regarde au loin. C'est pas un invité ciné, quoique. Non, c'est Monsieur Fally. Monsieur Fally Poupa qui est là avec nous, bienvenue. Merci. Ça va bien? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Et ben, un petit mot, Lino, alors sur cette rencontre avec Fally qui est sur ton album, on va passer le morceau. Voilà, comme on dit, c'est un pays, comme on dit. Voilà, c'est un même pays. Voilà, exactement. Voilà, et moi j'avais envie de faire ce morceau qui parlait de l'Afrique. Et l'homme noir en général. Quoi. J'avais envie de dire l'homme noir, c'est l'homme noir. Comme disait un grand poète français. Et le choix de Fally, c'est important parce que. Attends, parce que j'avais une phrase. Alors, pardon, t'avais une phrase, je t'ai coupé en pleine phrase. Je disais, comme disait un grand poète français, allons-y. Noir, c'est noir. Mais par contre, lui disait, il n'y a plus d'espoir, mais moi je dis, il y a beaucoup d'espoir. Ouais. Tu vois? Donc, c'est de ça que ça parle, le peuple qui danse, en fait. Parce qu'on a toujours tendance à dire, oui, on est du Cameroun, on est du Congo, on est du truc. Non, pour moi. Il faut l'entité. Voilà, c'est ce que je voulais exprimer dans ce morceau-là. États-Unis, Antilles, je m'en fous. Noir, c'est noir. Donc c'est ça, peuple qui danse. Et quand je disais, quand je t'ai coupé malencontreusement sur cette belle citation de ce philosophe français que tu nous citais, je suis désolé. Nietzsche, c'était Nietzsche. Ce que je voulais dire, c'est que Fally Poupa, c'est quand même une star. Je vais répondre à ta question. vous avez Michael Jackson. Voilà. Nous, on a failli. Non, mais c'est vrai que c'est voilà, mais voilà, mais c'est... Il fait partie de ces énormes stars africaines qui sont connues dans le monde entier en plus. C'est une grande star au bled, international, tout ça. Et ce qui est intéressant pour moi, parce que sur Bissau, on avait beaucoup bossé avec des anciens du bled. Et moi, je voulais vraiment bosser avec un jeune. Nouvelle génération. Parce que, voilà, c'est vraiment une nouvelle génération et c'était important pour moi de bosser avec lui. C'est pour ça que j'ai voulu bosser avec Fally, en fait. Fally, est-ce que toi, on a fait l'aller. Est-ce que tu veux faire un retour, un petit mot sur Lino, sur ce que ça t'évoque, Lino, Arsenic. Ouais, Arsenic, Bissona Bissau. Bissona Bissau. Quelqu'un au Congolais qui ne adorait pas Bissona Bissau. Quand j'ai eu l'appel, pour moi, c'était un réel plaisir. Partager ce moment, surtout qu'on parlait de notre continent. Ouais. Et je suis africain, congolais. C'était important de faire passer le message quand même. Ouais. Et quand t'as Calbo qui dit on a Michael Jackson. On a Michael Jackson. Et nous, il y a Fally et Poupin. On a Lino, Calbo. Non, mais c'est vrai, à titre d'exemple, par exemple, là, t'as joué où ces derniers temps? Parce que tu joues dans le monde entier là. J'étais au Nigeria. Mm-hmm. Je suis arrivé il y a deux jours. C'était la Cannes, donc la remise du Ballon d'Or africain. Et je suis en tournée en Afrique. C'est samedi, j'ai joué au pays, au Congo. Et ensuite, Ouganda, Zambie. Et puis, on va se poser un peu. À la maison. À la maison, voilà. Tranquille. Ouais, tranquille. Bon, tiens, j'en profite aussi parce que c'est vrai qu'on n'en parle plus trop dans les médias, surtout en ce moment. Ebola, c'est vrai que c'est quelque chose qui touche évidemment l'Afrique notamment de l'Ouest, mais je dirais en même temps toute l'Afrique. L'Afrique en général. Et c'est important aussi, on a la chance de pouvoir en parler ici. On en est où concrètement? Ebola, ça avance dans le sens. Ebola est un grand connard, mais ce gars est un gars compliqué. Parfois, on prend des exemples. Ah, lui, il a Ebola, merde, il arrive en France, attention, danger. Ouais, il y a un seul cas, en Afrique, il y a eu plusieurs milliers de morts de ce virus. Au lieu d'éviter, il faut chercher comment stopper cette maladie. Donc, moi, avant-hier, j'étais à l'UNICEF France pour pouvoir lancer le message et encourager les jeunes libériens, guinéens et Sierra Leone. De ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils sont vraiment en train de faillir. Je pense que c'est important pour nous qui sommes africains d'être ensemble avec ces jeunes-là. Voilà. Eh ben très bien. Et puis il faut dire aussi aux chercheurs. Donnez-nous le remède. Et c'est important. Et aussi, au-delà même de ça, il faut parler aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de. Il y a des guerres au Congo, tout ça. Il faut pas oublier. Partout en Afrique. Exactement. Mais là, comme on était dans le contexte. Mais c'est vrai, il faut en parler aussi, c'est important. Ah bah oui, il y a des millions de morts par jour. On a eu encore la preuve là, malheureusement, récemment en Afrique. On va écouter votre morceau peut-être, le morceau dont on parlait, Lino, Fally et Poupin. C'était Peuple qui danse. Allez, c'est parti maintenant. C'est extrait l'album numéro 1 des ventes. Requiem. Peuple qui danse, guidé par des rois plein ventre, leurs guidés au fusil, des âmes pas à vendre, mendiant assis sur une mine de diamants, applaudis par des cris d'armes, le soleil couche avec la dalle comme deux amants maudits, d'une terre rouge sang, d'un fleuve qui bouge en rythme avec ou sans rime, je crache ma révolte à bout touchant, un arrière-coup de sang, nos héros sont morts deux fois, dans les tombeaux de l'oubli, on meurt de froid, à quelques rues du paradis, je suis né, le poids de l'histoire fait pencher mon berceau. Crever les roues de ma destinée, ceinturé par les drames, les flammes forment un cerceau. J'ai piétiné le doigt de l'enfer, un continent en morceaux. Les chansons font pas les révoltes, elles les accompagnent. Y'a le blues, y'a la reggae, du mbala, de la rumba, le compas qui cogne en balade, entre les rires, les machettes. Parfois on a du mal à s'élever, quand faut remplir l'assiette, on prend un caille. Zame, Africa, divisé. Africa. Inconscient, Mawa. Africa divisée. Hey. Africa inconscient. D'un peuple qui chante, fils d'une belle endormie, d'un long silence à la voix puissante. J'ai encore mis ma peau sur le rythme. Je rappe dans l'épicentre du séisme. Frappe, j'avance parmi les clics de hyènes, les armes assourdissantes. Gosse du pays, épiderme en deuil, à la mort, à la vie. Cercueil à ciel ouvert, médicaments à besoin de maladies. Soldats de la diaspora, loin de la terre-mer, des Caraïbes aux US, au son de la cora. Qu'infra intérimaire SOS, l'Afrique a toujours besoin d'un monsieur de rue monde. Même avec un nègre à la tête du monde, combien de temps à accuser le colon, planqué derrière des casques bleus. Confondre corbeau et colon, sans masque se peut. Braquer ce siècle avec les clichés en venir aux mains. On va nulle part sans but commun, divisé. On cherche un destin hors de la matrice. Quoi, mes chèques Thomas, Steve, Marcus, Franz et Patrice, comprennent qui pourra. Zame, Africa, divisé. Africa. C'est extrait de l'album de Lino avec Fally. Fally qui est là avec nous ce soir entre 20 et 21 aussi. Une soirée chargée, mouvementée. Hein. Il y a Jean-Michel, le film Sous X qui est là, le film qui est sorti aujourd'hui. Il y a Fally qui est là, qui est fait un court passage avant de repartir jouer en Afrique là dès ce week-end. Hein. T'es au Congo, c'est ça, tu nous disais? Ouais, ce samedi, je suis au Congo, à Kinshasa. Samedi. Là, il est bon lui, hein, qui voyage, mon frère. Lino, vous avez beaucoup joué, vous, en Afrique avec Bissot? Ouais, avec Bissot, ouais, on a fait beaucoup. Calbo aussi, ouais. Oui, très beaucoup. Et puis, il y a eu aussi cette victoire de la musique africaine aussi qui avait été remportée par le Bissot. Avec Nelson. Ça, c'était vraiment un bon souvenir. Nelson Mandela, vraiment. Il y avait Michael Jackson aussi qui nous observait quand on a enregistré le clip de Dans la peau d'un chef. Il y avait Michael Jackson. Et Michael Jackson était en train de nous observer faire les pas. Non, c'est vrai. Et dans son clip, il a pompé les pas. The way you make me feel, il a pompé les pas de Bissot. Non, je mens. T'es sûr que c'était en 88? Je mens. Ça, c'était en 88. C'est pas les bonnes dates. Je me suis fait griller. Mais c'est vrai que c'était la grande cérémonie qui s'appelle les corans. Ouais. On a reçu un prix. Franchement, c'était un vrai bon souvenir. Deux prix, meilleur groupe et meilleur clip. Ouais. Et il y avait donc, c'était Nelson Mandela. Nelson Mandela. C'était chargé. On a serré la main du frère. C'était chargé. C'est des moments importants et la musique permet ça aussi. Donc il faut le souligner aussi. C'est bien. Et Fally, vous le retrouvez sur l'album de Lino. Peut-être aussi d'autres projets pour 2015. Fally, il y a des choses qui arrivent. Ouais, j'ai un album. Tu nous disais repos après un peu. Non, j'ai un album qui sortira peut-être au mois de cet été. Voilà. Je bosse dessus. On a pas mal de titres. J'espère que ça va très bien se passer. Est-ce qu'il y aura un match retour avec Lino, avec Calbo, avec d'autres rappeurs ou c'est pas prévu? Il y a beaucoup de collaborations, mais je préfère taire encore les noms des artistes pour le moment. Lino? Non, mais tu confirmes rien? Non. Là, on a fait le morceau, mais voilà, exactement. Là, c'est bon. On a ouvert les vannes. On a ouvert la boîte de Pandore. Là, on peut y aller. Il y a des titres qui. Il n'y a pas de souci. On appelle le frère et il n'y a pas de souci. Jean-Michel, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, si je peux me permettre. Vas-y. Pour parler musique, dans Sous X, on ami aussi. J'ai une amie qui est d'origine rwandaise, tu vois, qui chante bien, qui chante joliment. Et pareil, il y a un petit morceau de musique vraiment, voilà, pour le coup. Il y a une bande son qui a été signée Cut Killer. Il y a un petit extrait qu'on passera dans un instant. On va le récupérer là dans quelques minutes. Qui est extrait. Ça, pour le coup, c'est un titre inédit, hein, je crois, celui-ci. Tout à fait. Voilà, c'est le type dont tu parles là, c'est Baladib, Diro, le collectif One Blood. Mais là, voilà, je voulais parler aussi d'une amie qui s'appelle Sibi. Brésil, voilà, qui est du Rwanda, qui est un pays aussi qui subit beaucoup de difficultés. Qui était beaucoup touché, ouais. Voilà, et c'est vrai que, voilà, quand il s'est agi de mettre de la musique, j'ai essayé de faire un petit truc quand même assez divers, et en tous les cas, il y a une dédicace à la musique africaine et tout, et au continent, Africa United. Et bah, raison de plus d'aller voir Suzy, yes, qui est sorti aujourd'hui. Et par téléphone, on est avec Zeppo de Courtry. Salut Zeppo. Ouais, je devrais bien, quoi, frère. Ça va et toi, en forme? Spécial dédicace, cousin, ça fait longtemps, frérot. Ça fait un petit moment, Zeppo, c'est un gars qui vient souvent rapper dans l'émission. En même temps, cette année, je t'ai pas eu, donc bonne année à toi. Hein. Bonne année, bonne santé, cousin, on s'en fout de l'argent, frérot, cousin. Juste la santé, c'est le plus important. Yeah. Hein, Lino, tu confirmes? Non, santé avant. Parce que si t'as pas la santé, tu fais quoi avec l'oseille? Rien du tout. Rien. La santé avant tout, l'argent. C'est ce qu'il disait, Zeppo. Laisse tomber. Ah, exactement. Non, parce qu'en fait, tu sais, je veux te dire la vérité, parce que je dis tout. J'ai un problème de casque. Ah, d'oreillette. Mon casque, il est parti, là. On va te réparer ça. J'écoute d'une oreille, là. Y a pas de problème. Non, Zeppo, il disait ça, en fait. Il disait, la santé avant tout. Il a raison. Le blé, je m'en fous. Tu as raison, Zeppo. Normal, frérot. C'est ça. Eh, Lino, cousin, arsenic. Moi, le fric, ça me fait bander comme le boule à Julia Chanel, cousin. Ah, t'aimes bien les phrases de Calvo. C'est une... C'est bon, enfin, c'est une, en effet une belle punchline. Yes, punchline de Calvo. Un pécap, cousin. Bon, c'est pour les Caldéens, frérot. Ah ouais, pour les Caldéens, bien cousin, sûr. Je suis un Caldéen, frérot. Yes. On vient du 93. Les Caldéens, frère. 90, Courtry 77-181. C'est pour tous, ouais, les Caldéens. Pour tous les Caldéens du 9-5. 9-5, Maro, la Fauconnière, cousin, les Maro. C'est pour la boulange, cousin. C'est pour tous les Caldéens. Tu dois avoir ma famille chez nous. Zeppo, Manouk, cousin, Choconin, on sait des cousins. Tu m'entends, t'es... Zeppo, calme-toi, tu m'en as parlé des dédicaces, t'inquiète pas. Zeppo, calme-toi. Ça fait longtemps, de près. T'es toujours dans la cabine ou t'as un portable? Non, j'ai un bar à Livry-Gargan, cousin, on travaille, t'as vu? Il est où le bar? Le bar, il est à Livry-Gargan, 9 boulevard de la République, en face du McDonald's, cousin. Tu peux pas me rater, cousin. Il s'appelle comment le bar, Zeppo? Il s'appelle Étoile de Gargan, je dédicace ce freestyle à mon étoile. Étoile de Gargan, eh ben écoute, voilà, en ça. Direct du bar Étoile de Gargan. Yeah. Allez, saluer Zeppo, c'est lui qui va rapper maintenant, on y va, mon pote. Ça brille aussi, cousin, la Caldéenne. Gros spécial dédicace à mon beau frère Oran. C'est sur freestyle par téléphone, vas-y. Ok. Ok, je m'en bats les couilles, gros. J'suis toujours le même gangster. J'rappe avec Ayer et Kir, me faut combien de plus sont mes frères. J'préfère me taire qu'on m'enferme. Fumer de l'herbe que tu sais, Boucaf, respirer de l'air frais. Cette année, c'est ta nouvelle ère. Nique ta paire de Nike Air. Soit c'est Dédé, j'suis à Gaza, soit à Cancun. C'est vrai que j'aime les bons boules. J'ai la rage comme un pitbull. Zeppo, j'ai la recette. Vodka, Red Bull. J'rappe depuis 2001, j'avais encore la tête dans le boule. Ok, 1-1, c'est Zeppo. J'm'en bats les couilles, demande que j'te dé. Ok, j'pars en impro, frérot. C'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Tu connais de près, j'suis toujours le même lascar. J'suis un Caldéen, quand on arrive on te casse les reins. On s'en bat les couilles, frérot, c'est comme ça que ça se fait pas. Toi-même tu sais que j'vendais juste chi. J'vendais des quêtes plats, maintenant j'vendais café, des vodka, c'est comme ça que ça se fait pas. De Courtry à Clichy sous bois, 1-1, j'm'en bats les couilles, gros, ok, 1. On remet ça, 1. Yo. Je m'en bats les couilles, gros, j'suis toujours le même gangster. Je rappe avec Ayer et Kir, me faut combien de plus sont mes frères. Je préfère me taire qu'on m'enferme. Fumer de l'herbe que j'usais, Boucaf, respirer de l'air frais. Cette année, c'est ta nouvelle ère. Nique ta paire de Nike Air. Soit c'est Dédé, j'suis à Gaza, soit à Cancun. C'est vrai que j'aime les bons boules. J'ai la rage comme un pitbull. Zeppo, j'ai la recette. Vodka, Red Bull. Je rappe depuis 2001, j'avais encore la tête dans le boule. Je veux pas passer pour une resta. J'suis pas une lobstar. J'aime pas les schmétas, nique les schmites et l'état. Tu vois mon état en ouf, état d'esprit, j'crache, relâche, nous faut qu'est. C'est vrai que c'est pas fast. D'être un caldoche, surtout quand je retrouve tous Avenue Foch, Mandofox, ça fait 6 mois que j'ai pas un euro dans les poches. Mais pourtant mes rimes sur le beat ricoche. Ok, hey yo, moi je fume des Marlboro, je fume pas de Camel. Comme Lino d'Arsenic, cousin, on kiffe le boulot à Julia Chanel, mon frère. Ok, Zeppo, à l'instant. Ok, dédicace à Smi, Chimicité, Zico, mon zinc, Assom, mon putain de beatmaker, Gux, Luc, putain de cure, mon frère. Mon étoile, Zelbo, c'est Tyson, Manouk, Ashokona, mon frère, OCD, mon frère, Yakua, Oni. Alissan, cousin, c'est pour Fatimito, c'est pour tous mes incoutes, pour tous mes Caldéens. Yeah. Hey, tu peux nous retrouver à Concept 9, modèle Concept, à Clichy-sous-Bois, juste en face de Leclerc, cousin. Clichy-sous-Bois, la forestière, c'est pour tous les Caldéens. Ah bah, je reconnais toutes les pubs, hein, l'étoile de Gargan, tout. Cousin, on est là, frérot. Merci à toi, Zeppo, en tout cas. L'étoile, tu vas remplir. Hein. Merci. Là, t'as rempli ce soir. Ce soir, tous à l'étoile de Gargan. L'étoile de Gargan, elle est remplie. Hein. Voilà, ce soir, il y a une soirée freestyle. Ouais. Un café pour tout le monde. Un café en freestyle. Allez-y, à l'étoile de Gargan. Non, mais voilà. Merci à tous. Non, mais il est parti en freestyle. Faut avoir les corons, hein, pour y aller. Hein. Freestyle, c'est chaud. Hein. C'est un truc compliqué. Ouais, non. Après, il a dit un truc potion, vodka, Red Bull. C'est la punchline du jour. C'est la punchline du jour. Ouais. Merci en tout cas à Zeppo qui est avec nous par téléphone. Qu'est-ce qu'on fait? On met un morceau avant de mettre un titre de l'album. On met un morceau de Calbo, c'est ça? J'ai bien compris l'histoire. Ouais, il y a l'album de live tranquille. Ah, un petit live carrément. Avec il est prêt, il est serré. Jamadam qui est là aussi, de Villers-le-Bel. Donc on va taper ça à deux tranquillement. Et ben on y va, monsieur Noise. Est-ce que tu es prêt? Ah, déjà. Bah oui. Bon, Jama. Jamadam avec monsieur Calbo. Spécial pour mes soldats du 6ème chaudron. C'est parti dans Planet Rap, consacré à Lino et l'album Requiem sur Skyrock entre 20h et 21h. Noise, quand tu veux. Oui. Bienvenue au 6ème chaudron. Requiem. Écoute, Charlie, Alpha Lima, bravo Oscar. Illicite, poison à consommer, surtout Ostar. Couche tard, lève tôt, goûte, c'est bien viscère. Le rap se balade en string, je viens lui remettre son costard. Cause plus, écoute, gros, et pose ton stylo. Tu rap sans les crocs, anorexique, prends des kilos d'arsenic dans ton gros casque, Dre ou tes enceintes, kamikaze. Non, dépose le colis, on se bat. Émeutier, nouveau taf, blaze, molotov. Réveil le soir, c'est comme jouer à Call of. Ça sort de partout, tu guettes, grenade flash, trop tard. Chaudron 6, putain de nid de guêpe. Oh, trop de mic, crash, trop crash, faux, pas au courant. N'écoute rien, on bat l'MC quand il est chaud. Nous, tu rêves de succès en talent, grosse tasse. Nous, ça part du talent à yep, et revient en go fast. Oh, toc, toc, toc, ouvrez la porte. C'est la nouvelle escorte. C'est pas un avis d'essai. On a laissé le rap en forme. Aujourd'hui il est blessé. Toc, toc, toc, ouvrez la porte. Si tu lèves ta gamme, on va t'exploser les cordes. Dégage, on est pressé. Même si on a l'écrou, la table, c'est toi qui vas la dresser. C'est le retour du bon rap, pas du messie. Comme le marchand de glace, l'été en bas dans la Tessie. Réalité, joie, peine, thème précis. Aficionado, sceptique même. Les rageux apprécient, on l'a explosé dans le zig. Ils l'ont défoncé dans le zag. Ils dansaient sur une paro VIP, on l'a ramené dans les zacs. Il avait du gloss, la jupe baissée, dit qu'on l'a saoulé. Aujourd'hui, quand ses lèvres brillent, c'est juste l'huile du poulet KFC. Camionnette sur les quais, chicken chica. Leur peur est dans la CC. Quand ils nous voient, ils se jettent. On l'a mis sur le bitume. Toi, tu lui as fait faire le trottoir pur sans à force de tapiner. Peura, c'est pas un conte de fées. À la fin, tout le monde sourit, non. Donne ton avis, arrête de réinventer ta vie, mec. Laisse le classique comme tu l'as trouvé. Je reviens dans cette zik, même si j'ai plus rien à prouver. Oh, ouvrez la porte, on relève la garde, c'est la nouvelle escorte. C'est pas un avis de décès, on a laissé le rap en forme, aujourd'hui il est blessé. Ouvrez la porte, si tu lèves ta garde, on va t'exploser les comptes. Dégage, on est pressé, même si on a l'écrou, la table, c'est toi qui vas la dresser. Ok, Jamadam. Tu sais déjà, moi-même c'est Reggae Dancehall, c'est l'iceberg où j'en connais Villers-le-Bel, où j'en savent Arsenic, Lino, Calbo, où j'en connais Ghetto Star, c'est hey. Mes frères ne sont pas mes adversaires. Quand on est ensemble, on bosse et on est fiers. Mais t'es toi-même tu sais comment ça se passe, tu sais quoi. On est des solides, solides, solides, solides, solides, solides, Villiers c'est solide, solide, oh, solide, solide, solide, solide, solide, solide, Villiers c'est solide, solide, hey. Solide et intrépide, limpide et rapide, pas de faux caïd ici, c'est good vibes et c'est fluide. Lyrical guide, on pousse la jeunesse dans le speed. Petit, si t'es pas solide, arrête la boisson et la weed. Bang, bang, Jama, encore plus solide. Ceux qui voulaient marcher, tu t'attraperont des hémorroïdes. Stop au génocide ici, ma base est solide. Personne ne sort de studio si le son n'est pas validé. Mes frères ne sont pas mes adversaires. Quand on est ensemble, on bosse et on est fiers. pourquoi tu parles pour ne rien faire. Mets-toi sur la file de droite, man. Ici c'est solide, solide, solide, solide, solide, solide. Lino c'est solide, solide, tu sais, solide, solide, solide, solide, solide, solide, arsenic, solide, hey. Solide, solide dans la vie, assumé comme des bonhommes. Donner le maximum et le meilleur en restant économe. N'évalue pas ma douleur et la tienne, chacun ses hommes. En tant qu'il y a de la vie, mon cœur battra comme un métronome. Toujours local, mes racines sont solides. Admiration pour nos anciens solides, marqués par les rites. Trop de fierté, de caractère pour penser au suicide. 95, on est tous rodés comme des bolides. Attentat homicide, derrière le micro c'est torride. Mes postillons sont acides, je tue les spermatozoïdes. Pour que les cafards et les thermites, j'ai un bon insecticide. Bang, bang, jama, oh. Sois pas stupide ici, c'est solide, solide, solide, solide, solide, solide. Skyrock c'est solide, solide, again, solide, solide, solide, solide, solide, solide. Lino c'est solide, solide, tu sais, solide. Solid, solid, solid, solid, solid. Ghetto star, solid, solid, agent, solid, solid, yeah. Solid, solid, eh. Hey. Écoute ça. Oh. Que des vaillants, des braves et intrépides. Y'a que des perspicaces ici, conscients et lucides. J'en place une spéciale aussi pour tous mes invalides. Ma vie et ma destinée, je la gère et la préside. C'est pour toutes ces femmes solides qui élèvent seul leur gosse dans un appart vide. Oh, pour les ragamuffins qui n'ont pas de liquide, mais qui fonctionnent et qui ne pleurent pas. Tout simplement parce qu'on est solide, solide, solide, solide, solide, solide. Ville, c'est solide, solide, addict, solide. Solide, solide, solide, solide, Skyrock, c'est ok, hein. Solide et intrépide, limpide et rapide. Pas de faux caïd ici, c'est good vibes et c'est fluide. Lyrical guide, on pousse la jeunesse dans le speed. Petit, si t'es pas solide, arrête la boisson ou la weed. Bang, bang, chama, encore plus solide. Ceux qui voulaient ma chute attraperont des hémorroïdes. Stop au génocide ici, ma base est solide. Personne ne sort de studio si le son n'est pas valide. Chama, yeah. Original song, yeah. Cha. Tu sais, pour tous mes 95 cartes sont solides, où j'en connais. L'album c'est Requiem. Fais un saut dans les bacs. Un album solide, j'ai envie de dire. Ouais. L'album Requiem de séquence reggae. Ça c'est mon gars Jama. Jama qui vient de Villiers-le-Bel aussi. Ouais, on a grandi ensemble. Voilà. C'est mon poteau. C'est mon poteau sûr et voilà, c'est du sérieux. Eh bien, c'est avant, du vrai raga nerveux. Avant de se quitter et avant de se retrouver demain entre 20 et 21, on avait promis de mettre un petit extrait de Sous X, la bande son, Lino. Ouais. Présente-nous. Donc ça, c'est sur la bande son du film. C'est le générique. C'est le générique. Ça commence un petit peu sur les dernières. Et alors, il y a qui dessus? Générique. On a Baladib qui sont ici présents. On a Diro. C'est une production One Blood. C'est un petit collectif de Châtenay-Malabry. Châtenay-Mala, 9 de Sud, I. Il y a WS aussi qui a participé sur un autre morceau. Et c'était, voilà, sous la supervision amicale et artistique de Cut. De Cut. Voilà. Et ben, on écoute un extrait. Et le film est sorti aujourd'hui sous X. Yes. C'est qu'il manque des flèches à mon arc. Rare ceux qui dans la street ont fait des sous comme un monarque. Faire les dièses en zoom, si on peut pas se retrouver dollar. Mais bon, c'est pas si facile. Voyou crasse nous fascine. Les successions d'échecs entraînés certains dans des petits asiles. Vite ta vie soit respectée, en aucun cas tu te laisses faire. Pour du CEO, ça s'allume comme dans les westerns. J'geek man, j'dead ça à la hitman. Quand la vite m'a, dur de se relever des stigmates. Faut du beef man, du business et des micmacs. Et ce leur à gauche et à droite, tu vends des big man. Une vraie amitié, ça se casse pas avec une bitch, l'amigo. Des marmots, car ça gère des meufs à tire l'arigo. Des chiffonnades dans balle pour des principes par ego. Parcours de check sans caisse ou avec une cheat navigo. Hein, rancunier comme Phil Broker. Par la big game, motherfucking ogre. Ce n'est plus dans l'air du temps. Une liberté mise en cage, et si gentiment, plus si peut déclarer la guerre que c'est celle qui prend. T'es mis en cage, j'ai dit gentiment. Plus facile de déclarer la guerre que ses sentiments. C'est valeurs, ce n'est plus dans l'air du temps. Une liberté t'es mis en cage, j'ai dit gentiment. Plus facile de déclarer la guerre que ses sentiments. Dans cette guerre, il n'y aura que des perdants. Une liberté t'es mis en cage, j'ai dit gentiment. Plus facile de déclarer la guerre que ses sentiments. Tout noir dans une arme blanche. Comme des animaux quand les affaires deviennent embêtantes. La vie un choc post-traumatique comme un bélier à 6 heures pétante. T'as le choix, c'est soit tu presses ton cul ou presses la détente. J'essaye de faire avec, mais dans la vie faut faire des choix. Un peu macabre comme des choix. Pour du bif, j'ai vu des chiennes se mettre à quatre pattes comme des chats. Les choses suivent leur cours, mec, faut faire avec. À bras ouverts, j'accueille le beau temps après l'averse. Fuck les critiques causées aux généralités. Oui, l'industrie, je viens allumer le feu comme Johnny Hallyday. Soit tu bosses, soit tu charbonnes. Temps partiel ou plein temps. La recette bouillonne quelques secondes pour te grailler, on a rien de temps. Je vois pas d'avenir dans les sachets. Figurer et les cachets. Mais faire la diff comme décider d'un tir le doigt sur la gâchette. Prestige, frappe fort, mental, agilité. La vie est remplie de risques et de responsabilités. Chaque avoir a son dû si c'est mérité. Jusqu'à ma mort, ce sera bon char et viser. Voilà, un petit extrait de la bande-son du film Sous X. Et juste, j'avais oublié, on a la douce et jolie voix de Justy. Eh ben, on salue Justy. Merci Jean-Michel, en tout cas. Merci à vous, franchement. Bonne chance pour ce premier long-métrage. Respect à Lino, bon courage. Ouais, pas de soucis, frère. On va, 9-5, on va aller voir Sous X. Sous X qui est sorti aujourd'hui. Vraiment aller voir le film. Allez le voir, faut le défendre, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorties. On le dit à chaque fois, le mercredi est un jour important pour le cinéma. Toi, évidemment, comme c'est pas ce qu'on appelle un blockbuster, donc il y a forcément moins d'écran, moins de copies. Donc il faut le soutenir d'autant plus. Un film très cosmopolite, voilà, avec beaucoup de basanés en plus. Donc c'est vrai que c'est, ça mérite d'être soutenu peut-être un peu plus en ces circonstances particulières. Et ben ouais. En tous les cas, voilà, merci de ton accueil. Merci à tous les artistes qui étaient là. Et remercie aussi toute l'équipe qui était avec nous. Ouais, toute l'équipe. Jama. Jama, il a des trucs. Il a des trucs à annoncer, Jama. Qu'est-ce qui se passe, Jama? Jama, il y a toujours des trucs. Ouais, ben là, c'est pour juste pour dire que voilà, il y a mon clip qui arrive là à la fin du mois là. Donc voilà, donc et mon album qui arrive en automne 2015. Donc je l'avais dit déjà la dernière fois, mais je viens de le rappeler aussi. Voilà. Il y a Ghetto Star aussi qui arrive aussi. Ça, c'est le projet en commun. Vous êtes tous dessus, on est passé en extrait d'ailleurs. Voilà. On vous dira en temps et en heure. On dira tout en temps et en heure et voilà quoi. Eh ben merci Jama d'avoir été avec nous. On va saluer Fally et Poupa qui étaient avec nous aussi, qu'on retrouve sur l'album Requiem. Merci Fally d'être passé dans ton emploi du temps surchargé. Ah oui, Michael. Le jet est garé dehors. Michael est grand état. Le jet est garé dehors. Voilà. Merci à Fally. On a fait un sacré morceau, un putain de morceau. Et je suis très content d'avoir bossé avec le frère. Et voilà. Et j'espère qu'on fera d'autres collaborations. J'espère parce qu'on fera le clip. On va essayer de faire un truc vraiment large. On va essayer de toucher un maximum de pays et on va voir comment on peut faire. De l'Est, l'Afrique de l'Ouest, Sud. Voilà, faut aller partout. Merci Fally d'être passé en tout cas. Merci à Calbo. Je disais merci à Jean-Michel, le film Sous X. Et je voulais que tu salues aussi les gens qui ont rappelé qui étaient là avec nous ce soir. Ouais, merci. Donc il y a Double S, Les Baladib, Diro. Voilà, c'est le collectif One Blood, un collectif de Châtenay-Malabry, là où on a tourné le film. Et voilà, dédicace aux gens qui sont incarcérés à tous les quartiers de France. Et voilà, force et détermination. Merci à toi Jean-Michel. Sous X, ce film est sorti aujourd'hui. Demain on se retrouve et on n'a pas eu le temps de faire ce fameux blind test dessin animé. Je suis désolé. Mais la soirée était tellement chargée que demain on aura le droit. D'accord, vas-y, pas de soucis. D'accord, tu révises bien tes classiques années 90. Moi je suis à fond. Pas besoin de réviser. Moi je révise même pas moi. Faut pas oublier une spéciale pour la mère qui écoute quand même, sinon je vais me faire embrouiller. Ah ben la daronne elle écoute ce soir encore. Oui. Ah ben on la salue très fort. M'amène ma stock avec sa chicha tranquillement à Nancy. Le Shakespeare. Faut y aller si tu veux tirer de cours de la tennis aussi. T'as oublié les cours de tennis. Ouais, mon club de tennis, sa ville est belle. Yes. Magnifique. Il y a monsieur Thibaut B aussi qui est là. Thibaut Baka. Indila. Comment on l'appelle? Victor Negro. Non, non, c'est un écrivain de chez nous, c'est un gars sérieux. Il a fait 3 bouquins et il y a le nouveau qui arrive, ça s'appelle Le Bon Lieu. Thibaut Bacca. Et ben on ira suivre ça Thibaut aussi. Donc il y avait de l'œuvre, il y avait de l'œuvre ce soir. On va le retrouver justement, je vais tourner la roulette, c'est parti. Jeffrey. 2015 démarre bien. Ah bien cousin. Skyrock t'invite sur le Cosmotour de Soprano dans toute la France. Aurélie de Reims, ça va bien Aurélie? Bonsoir. Salut Aurélie, on va faire tourner rapidement la roulette. Dès que tu veux tu dis stop, c'est parti. Et juste après la radio libre de Default qui se prépare. Oula. Magnifique, en équipe, en famille, pour faire tourner la roulette, parfait. C'est ça. Et ben voilà, c'est Soprano. Ouais, trop bien, ouais. Tournée de Sopra, il y a 2 places qui t'attendent, c'est pour toi Aurélie. Oh, c'est trop génial, je vous remercie. Bisous, passe une bonne soirée du côté de Reims, merci à vous tous, merci Lino. Yes, merci. Demain, 20-21, le retour. Exact. À pas louper la suite de ce Planète Rap exceptionnel. Surprise. Et est-ce qu'on peut annoncer ce qui se passe vendredi ou c'est... peut-être un peu trop tôt, Calbo. Tu m'as dit que. Ouais, on va essayer de faire un petit truc sympa avec les. Mais tu vas attendre demain. On attend demain si tu veux. Non, ça c'est Calbo qui trafique tranquillement ça. Avec les membres du secteur. Ça c'est les trafics de Calbo. Ouais, l'idée c'est de faire un concert pour tout le monde. Pas un concert, mais juste une autre version d'un Planète Rap. Un Planète Rap live. Non, mais si on fait un concert, c'est bon ça. Planète Rap concert, voilà. avec le secteur A. Ça veut dire qu'on commence en concert. Ouais. Voilà. On commence en concert, on finit en concert. Une heure de live. On parle pas. Quelques membres. On parle pas, une heure de live. Hein, frère. Yes. Pour finir en beauté, on dira peut-être juste bonjour et bonsoir. Ah, quand même. Tranquille, et un petit un peu de pub politesse. Entre les deux. Voilà. Non, j'aime ça, c'est bon. Et il y aura donc une heure de live, peut-être vendredi, en tout cas, c'est en train de se préciser. Okay. Avec tous les membres, avec tous les membres du secteur A. Valide, hein, parce qu'il y en a plein qui sont pas là. Donc commencez à faire tourner les messages, ça risque d'être chaud vendredi. Merci à vous tous, merci Lino, merci Calpo, merci Jean-Michel. Merci Fali et Poupa qui étaient là aussi avec nous, Jamadon, yes, et tous ceux qui sont passés. Falax. Et on va retrouver Difool. Ouais. Oh, mais tu es où? Il est dans la voiture. Qu'est-ce que tu fais? Je pensais que tu disais. Je remercie qui a inventé les couloirs de bus, parce que ça, c'est une super idée. Quand t'es couché, tu prends les couloirs de bus, t'avances plus vite. Donc, on va pas tarder. Ça coûte cher parfois. Ah oui, mais là, ça va être très bien. Ah oui, je viens de voir que tu m'avais envoyé un message. Oui, à l'instant. Bon, bah, t'es toujours là où tu m'as envoyé le message ou t'es un peu plus proche? Non, c'est bon, j'ai avancé. Juste derrière la radio. Et bon, on t'attend, donc ce soir, Radio Libre, comme d'hab. Yes. Je dis, nouvelle marche qui est organisée, c'est bouché dans Paris, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est le bordel aujourd'hui, je sais pas ce que c'est. Écoutez, ça vit au moins, c'est bien. Donc, content de vous retrouver pour ce soir. Bah, vous pouvez nous appeler d'ailleurs, vous tous qui nous écoutez. Peut-être comme moi, vous écoutez Planète Rap dans la voiture, vous écoutez Planète Rap à la maison. Bon, Planète Rap, ça revient demain. Hein. Ouais, un petit peu avant 20h. Bien sûr. Avec Lino, le grand Lino. Il est là. Jusqu'à vendredi, bon, faut pas louper. J'ai des talonnettes. Ouais, t'as grandi, ouais, c'est ça, ouais. J'ai mis les talonnettes. Beau gosse, Lino, en talonnettes. Ah, mais tu m'étonnes. Air Max talonnettes, c'est pas mal. C'est un nouveau concept. Ouais, pas mal. Demain, donc, à 20h, le retour. Bien sûr. Vendredi, il y a l'émission à pas louper, là, parce que j'ai entendu. Ah ouais, ça risque d'être chaud vendredi. Hein. Et puis, bah, d'ici là, va se passer plein de choses. Et la Radio Libre qui arrive dans un instant sur Skyrock. C'est parti pour toute une soirée. Nous, on arrive aussi. Donc, faites comme moi au téléphone. Vous pouvez appeler 01 53 40 30 20. Il y a la Marie, d'après ce que j'ai entendu. Ça oui, va, Marie? Oui, je suis là. Je suis avec Samy et Cédric. Ah ouais, elle est opérationnelle. Samy et Cédric, mais on peut dire le trio de choc. Ah ouais, là, on a un point noir, c'est Cédric. C'est la blague de Marie. C'est une belle formule. Marie en pleine forme ce soir, je vous préviens. Yes, ah oui, je l'entends derrière. Ah oui, il est là, Karim. Ouais. Bon, bah, on arrive là tout de suite. À tout de suite. Pour la Radio Libre, et on démarre avec Jeremy. Tiens, donne ta main. C'est parti pour une grosse soirée en direct sur Skyrock. Ciao. Premier sur le cash.